L'équilibre harmonique de la colère dans l'ego conscient. Cet équilibre commence quand l'ego sait que la colère doit toujours être dirigée vers l'invisible et non vers l'homme. Pour qu'une colère soit totale, il faut que l'ego puisse en comprendre l'équilibre harmonique qui lui revient. Lorsqu'une colère est en équilibre avec l'homme, elle répond toujours à des besoins réels. Est-ce que l'homme peut vivre sans colère sur la Terre? Pas nécessairement, parce qu'il y a énormément de forces involutives qui l'ont placé dans l'ignorance et qui l'ont soumis, tôt ou tard, à de l'interférence en lien avec sa propre vibration pour connaître les lois de la vie. Les lois de la vie étant cachées par le mensonge cosmique, nécessitent une colère afin que l'homme entre dans sa conscience et qu'il puisse arracher par la haine le savoir de ce qu'il doit savoir. Sans haine, la colère ne peut pas exiger des plans invisibles qui lui répondent et qu'il réponde à ses questions. Pour que la haine soit absolue dans le mental de l'homme, il faut nécessairement que la colère soit bien placée et en équilibre harmonique avec l'ego. L'ego est psychologique dans sa colère, cela veut nécessairement dire qu'il ne pourra pas arracher les réponses qu'il se doit. Lorsqu'un ego n'est pas en équilibre dans sa colère, cela veut dire nécessairement qu'il a de l'émotivité dans celle-ci et qu'il n'est pas capable de comprendre les interfaces qui se jouent sur sa conscience en lien avec la pensée astrale. Le besoin de l'ego de connaître la vie est très grand, mais il ne peut pas connaître cette vie astralement. Et pour connaître la vie au niveau de la conscience, il est assuré que le double cosmique doit se rapprocher de lui. Mais si l'ego non plus n'a pas de colère harmonique en lien avec la compréhension qu'il a été voilé des lois de la vie et que l'évolution des plans de la lumière s'impose sur sa conscience, jamais cet ego n'aura la liberté de se retourner contre les forces. L'autorité nécessaire pour qu'un ego puisse se retourner contre les forces est équivalente à la haine qu'il doit avoir pour arracher le savoir. Tant que l'ego ne sait pas ce qu'il dit, sa parole est soumise à des énergies astrales et c'est cela qui l'empêche d'avoir une colère harmonique. Donc la colère est vibratoire lorsqu'elle ne débalance pas l'ego dans sa réalité d'interpeller l'invisible dans le savoir de ce qu'il doit arracher pour rencontrer ses besoins réels. Les besoins réels donc de l'ego doivent être connus par l'homme et c'est lui qui doit les communiquer au plan invisible parce que ses besoins réels répondre à la sensibilité psychique de son être. Certes, une programmation a été autorisée dès le départ par les plans de la lumière pour établir la courbe évolutive de l'ego en lien avec sa conscience supramentale. Mais cette courbe évolutive ne peut pas être assujettie totalement à la volonté de la lumière, car cela fait de l'homme un être sans pouvoir ou sans autorité pour haïr le mensonge cosmique et également haïr les forces d'évolution qui le soumettent à ne pas être totalement libre. La liberté étant pour l'homme éventuellement son immortalité intégrale, c'est-à-dire qu'il connaît les lois de la vie et qu'il connaît les lois d'énergie en lien avec la conscience de son ego. Donc, tant que l'ego n'est pas informé totalement de ce qu'il doit être informé, il y a toujours une restriction pour lui et ses besoins réels sont ainsi diminués à une composition psychologique lui permettant de répondre peut-être à une vie planétaire, mais qui ne le rencontre pas dans la dimension cosmique de son intelligence pour être libre à un autre niveau que celui de la programmation qu'on lui a assignée au cours d'une vie. Quand une âme descend sur la Terre, elle est toujours assignée à une programmation, tout comme l'ego est assigné à répondre à un agenda très précis pour qu'il dépasse certaines craintes. Et les craintes que l'ego doit dépasser sont naturellement celles qui l'empêchent d'être libre. Et être libre veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'ego peut intercepter dans son mental tout ce qui l'empêche d'avoir dans sa vie la paix. Et lorsque l'ego sait qu'il a droit à quelque chose, il est certain qu'il se met en colère. Si on prend le mouvement moi aussi en société, on remarque que les femmes sont tannées de deux choses. Elles veulent être libres de l'homme et elles veulent aussi que l'homme sache qu'il n'est pas libre dans sa tête lorsqu'il n'agit pas avec elle avec respect. Et c'est pour cela que dans les années à venir, la colère de la femme va augmenter en lien avec l'absence de liberté qu'on lui fait vivre. Mais pour que cette colère-là devienne aussi harmonique pour les femmes, il va falloir qu'elles comprennent que l'évolution de l'homme et l'évolution de la femme est interreliée. soit que les hommes doivent prendre conscience par eux-autres mêmes un jour qu'ils sont des personnes qui sont manipulées dans leur tête pour dominer la femme dans sa condition. Et la femme, elle, aura à comprendre que sa condition n'est pas liée simplement à la réalité qu'elle ne s'est jamais mise en puissance envers l'homme, mais aussi du fait qu'elle aussi peut être manipulée par les plans invisibles. Donc, la colère harmonique a pour but d'amener l'ego à se révolter contre l'invisible, tout en sachant que cela doit placer dans sa matière de l'harmonie. S'il n'y a pas d'harmonie en lien avec la colère qu'une personne peut vivre, c'est parce que ses besoins réels ne sont pas bien identifiés. Les besoins réels de l'ego et de l'individu sont nécessairement les mêmes que ceux de la lumière, soit qu'il veut savoir ce qui lui permet d'être libre en tout temps sans qu'on l'empêche d'accéder à des formes qui lui permettent, dans sa conscience, d'alléger sa vie matérielle. L'homme vit énormément d'opposition dans la matière en lien avec les lois d'énergie et lorsqu'il se met en colère, sa colère doit nécessairement exiger qu'on lui remette des réponses plus claires et précises en lien avec ce qu'il doit faire pour alléger sa vie. Lorsque la santé est menacée, il est évident que la colère que l'ego a envers les plans est dirigée pour qu'on lui dise exactement ce qu'il vit. Sinon, l'homme va rester psychologique et indirectement, il ne peut pas s'harmoniser dans la maladie, même si celle-ci est incurable. Cela ne veut pas dire que la colère harmonique va amener l'homme à se guérir, parce que les lois d'énergie seront transmises à l'homme dans un temps où celui-ci aura été en mesure de créer suffisamment d'harmonie sur la Terre pour faire reculer les forces astrales de celle-ci. Tant que les forces astrales pénètrent énormément la conscience des hommes, il n'est pas pensable que les lois d'énergie seront transmises à l'homme pour qu'il se guérisse par lui-même. Avec la conscience de l'ego en lien avec la colère doit donc nécessairement lui permettre d'agir sur des forces de vie qui empêchent l'ego de pouvoir être en puissance dans la matière. Et tant que l'ego n'a pas la capacité d'inverser ses craintes ou de les dévoiler totalement, il y a naturellement dans sa colère une forme de psychologie qui l'assujettit à une volonté qui n'est pas totale. Pour être total dans sa volonté, l'homme doit transiger avec la matière d'une façon intelligente. Et lorsque l'intelligence pénètre l'ego, il est possible à ce moment qu'il puisse voir qu'un besoin n'était peut-être pas aussi réel qu'il le pensait au départ. Comment pouvoir identifier un besoin réel? Le besoin réel est toujours en lien avec la souffrance qu'un ego peut vivre en n'ayant pas accès à une liberté qui doit lui être fournie ou être actualisée afin qu'il puisse être bien dans sa peau et se sentir libre face à la vie. Lorsque l'ego ne se sent pas libre face à la vie, il est impératif qu'il se mette en colère contre ce qu'il sent, une domination sur sa conscience. Et cette domination n'est pas nécessairement celle de la lumière, mais celle de l'ignorance qui l'a empêché de voir le soleil de sa liberté et de pouvoir la manifester selon des lois de la vie totalement harmonieuses en lien avec la liberté de créer sur la Terre un espace pouvant permettre l'équilibre parfait entre toutes les forces qui y habitent. Le règne animal doit autant être respecté par l'homme que le règne des plantes, et c'est pour ça qu'un jour les lois de la vie vont permettre à l'homme, dans une colère absolue, d'arracher tout ce qui, ou de mettre un terme à tout ce qui n'est pas intelligent sur la Terre. Pour composer avec de la lumière, l'ego doit pouvoir travailler dans une forme d'intelligence absolue. Cette forme d'intelligence absolue provient du fait que sa colère est harmonique parce qu'elle est aussi liée à une haine absolue en lien avec les plans pour arracher le savoir de ce qu'il veut savoir. Ainsi, dans la parole de l'homme, il se place une énergie nouvelle qu'on peut appeler la liberté. Et lorsque on sent dans l'énergie de la parole la liberté, l'homme peut ainsi conquérir des espaces-temps. On parle ainsi d'une liberté réelle lorsqu'il peut se permettre dans son verbe d'établir que tout ce qu'on ne lui dit pas est un manquement à ses besoins réels. Parce que les besoins réels de l'ego viennent du fait que plus l'ego sait qu'il est manipulé, plus il veut se détacher de la manipulation pour pouvoir entrer dans une conscience le libérant de ce qui le conditionne à une vie évolutive. La colère de l'ego est une manière absolue pour l'homme de se libérer de ses craintes. Pour se libérer de ses craintes, il faut absolument que l'homme soit capable de se libérer de sa programmation lorsqu'il vit de l'impuissance. Les impuissances venant du fait qu'il est souvent désinformé de sa réalité parce qu'on n'a pas été capable dans le passé de lui transmettre les lois de la vie en raison qu'il était trop près du noyau de l'âme. Lorsque l'homme se distancie du noyau de l'âme, il perd énormément de densité mémorielle et c'est à ce moment que sa colère dans l'ego peut grandir en lien avec une liberté nouvelle que l'ego se donnera. Qu'est-ce que la liberté? La liberté est la certitude que l'homme peut toujours se mettre en colère qu'on se contente de lui enlever. Et ce qu'on veut enlever à l'homme, ce n'est pas nécessairement sa liberté, mais c'est sa capacité de savoir. Et puisqu'il ne sait pas, il est ainsi assujetti à un mensonge. Et ce mensonge étant le mensonge cosmique. Pour ramener l'homme sur le terrain de sa colère, il faut que l'homme soit conscient de ce qui le manipule. S'il n'est pas conscient de ce qui le manipule, sa colère se sera astralisée au cours du processus et la haine qu'il tentera de diriger pour arracher le savoir sera aussi potentiellement pour lui destructive. Comment peut-elle être destructive? Par le simple fait que l'homme ne peut pas forcer un mouvement. Si l'ego force un mouvement, il y a automatiquement une absence de conscience et d'intelligence qui un jour lui fera payer un prix. Et lorsqu'on paie un prix, c'est à ce moment qu'on peut comprendre que ce que l'on fait n'est pas nécessairement intelligent parce que cela épuise ou met notre santé en danger. Les besoins réels de l'homme sont donc celui de toujours s'harmoniser avec sa santé afin qu'il ne paye pas un prix dans sa liberté au niveau du corps physique et psychologique de son être. Psychiquement, l'homme peut savoir lorsqu'il est en train de forcer un mouvement. Et c'est à ce temps que sa colère doit le placer dans la capacité de s'auto-corriger lui-même. Donc, il est harmonique tout le temps et il sait à quel point la colère qu'il doit vivre en lien avec la désinformation ne peut pas non plus l'assujettir à une absence de liberté. La volonté étant celle pour l'homme de toujours pouvoir corriger ce qu'il considère non intelligent. Et ce qu'il considère non intelligent va toujours à l'encontre de ses besoins réels. Si une personne a besoin de savoir, d'avoir de l'information ou accès à de l'information pour une réalité, on doit lui dire. On ne peut pas ensuite lui expliquer ce qu'elle ne sait pas parce que ce n'est pas le temps. Parfois, la volonté de l'homme doit placer le mouvement et c'est ainsi qu'on doit lui répondre. Donc, si je pose la question, qu'est-ce que la colère harmonique fait descendre pour l'ego? La réponse serait ceci. Elle permet pour l'ego d'avoir de l'espace au niveau de sa conscience en lien avec les forces et les lois de vie. À ce temps, la haine qui se développe ou qui est assise sur la colère de l'ego lui permet aussi de s'harmoniser parce qu'il se sait en harmonie avec ce qu'il fait comme mouvement pour savoir ce qu'il a à savoir. Est-ce que la colère peut astraliser l'homme? Elle peut toujours astraliser l'homme du moment qu'il n'est pas capable dans son verbe d'interpeller ce qu'il a interpellé. Si vous n'avez pas les mots justes pour dire ce que vous avez à dire, cela veut dire que votre mental est coloré. Il est coloré par une forme émotive ou encore par de la mémoire qui vous empêche de parler promptement et de dire quels sont vos besoins réels. Si les besoins réels de l'homme sont rencontrés, cela veut dire nécessairement qu'il est en harmonie avec sa vie et en harmonie aussi avec la réalité qu'il a arrachée pour maintenir l'équilibre de son ego dans une paix absolue. Certes, il y a dans la matière beaucoup de positions et beaucoup d'événements qui vont contraindre l'ego à ne pas être dans son autorité pour dicter l'évolution de sa vie. Et c'est à ce temps qu'il doit comprendre le jeu aussi de la lumière et des ajustements et d'épurations qui doivent se produire avant qu'il puisse avoir accès à sa liberté totale. Mais sa liberté totale ne peut pas non plus être assujettie à un temps qu'il ne comprend pas ou qu'on ne lui explique pas. L'homme a toujours le droit de demander à la lumière s'il est dans une colère absolue pourquoi telle ou telle chose se produit dans sa vie. Et la réponse doit venir, car si la réponse ne vient pas, cela veut également dire que la haine qui se génère dans son mental n'est pas totalement non plus totale. Et pour avoir une haine totale pour les plans invisibles, l'ego dans l'homme doit s'habiter totalement sur la terre, sinon il se sortira lui-même de sa propre conscience pour établir ce qu'il sait. C'est parce que l'ego sait que ses besoins réels doivent être rencontrés que la lumière n'a pas le choix de lui dire que ses besoins réels doivent être rencontrés. Et c'est à ce temps qu'il se produit une transmutation dans l'ego, soit que l'ego ne s'inquiète plus et qu'il est en harmonie avec la vie parce qu'il sait qu'on ne peut pas lui mentir. Il sait qu'on doit lui répondre et qu'on doit lui donner des réponses intelligentes à sa vie en lien avec l'équilibre de son mental pour se libérer totalement de la forme de la programmation qui a été mise à jour avant même son incarnation sur la Terre. Donc lorsque l'ego ne souffle plus de sa programmation, c'est-à-dire qu'il a transmuté suffisamment dans ses corps les cellules nécessaires pour ne plus être assujetti à des formes astrales, nourrissant par la matière dans son ego certaines astralités, l'ego fait simplement vivre sa vie et il reste à l'affût de tout ce qui peut se passer dans sa vie pour ne jamais être un pas derrière et être toujours un pas devant. La colère est donc nécessaire pour élever dans l'homme son mental, sa vibration, pour lui permettre ensuite, dans une haine absolue, de savoir. Si l'homme n'est pas capable d'avoir dans sa conscience une colère vibratoire qui puisse l'harmoniser à la haine de savoir, cela veut dire qu'il doit encore attendre que son autorité et que sa parole se développent pour qu'il puisse un jour s'habiter davantage et ensuite interpeller davantage l'invisible en lien avec ce qu'il vit. Les besoins réels de l'ego ne peuvent jamais lui être cachés. Si l'ego sait qu'il a besoin de rencontrer une personne, on n'a pas à lui dire par la suite qu'il n'a pas à rencontrer quelqu'un. Dans les besoins réels, il y a toujours aussi cette voyance de l'ego, à savoir qu'il peut se mettre en colère à n'importe quel moment contre les forces de vie qui l'empêchent de réaliser dans sa vie sa liberté. Et au centre de la colère et de la haine, il y a donc cette liberté que l'homme apprend à développer parce qu'il sait très bien que sans la liberté, il ne peut pas non plus se mettre en colère inutilement car il brûlera totalement ses corps subtils et il ne sera plus capable un jour de vivre sa vie.